Ce soir j'suis pas bien, y'a personne pour me consoler. J'suis dans un trou noir, j'entends ma voix résonner. Le mal est fait, ne me dis pas désolé. Solo dans mon coin, j'vais m'isoler. Mais pourquoi moi? J'voyais pas ça comme ça. Plus j'grandis, plus j'vois qu'y a beaucoup de hasard. Seul j'ai fait mes choix, j'ai appris mes erreurs. Dans le silence, j'ai affronté mes peurs. J'avais tout le temps de cogiter quand j'étais guetteur. À qui faire confiance, mon frère, dis-moi. Même des frères du même sang finissent par se fumer. J'perds pas la tête car j'ai gardé la foi. On m'a toujours dit de ne pas reculer. Et j'm'enfonce au fond du trou noir. Laissez-moi seul, j'veux pas vous voir. Si seulement j'avais des pouvoirs, j'aurais changé l'histoire. Malgré la douleur, je baisserai pas les bras. Que Dieu nous aime quand on est éprouvé. Pardonnez-moi car j'avais pas le choix. Que Dieu nous aime quand on est éprouvé. Seul Dieu navigue à bord du navire. Si tu veux mon avis, il ne faut pas s'attacher à cette chaîne de vie. Si t'es mon ami, tu sors ton calibre. Vise mes ennemis qui me veulent du mal. Une fois au tribunal, on prend de lourdes peines. Encore l'un des nôtres est tombé. J'ai perdu mes repères. Vite cauchemar, mes rêves sont plombés. Il me reste que cette mélodie pour écrire. J'ai que la vingtaine, je vais pas le dire, j'ai vécu le pire. Pour nous élever, nos remparts, on transpire. J'vais retourner au bled, j'attends pas que vous me virez. Malgré la douleur, j'baisserai pas les bras. Que Dieu nous aime quand on est éprouvé. Pardonnez-moi car j'avais pas le choix. Que Dieu nous aime quand on est éprouvé. Et j'm'enfonce au fond du trou noir. Laissez-moi seul, j'veux pas vous voir. Si seulement j'avais des pouvoirs, j'aurais changé l'histoire. Malgré la douleur, je baisserai pas les bras. Que Dieu nous aime quand on est éprouvé. Pardonnez-moi car j'avais pas le choix. Que Dieu nous aime quand on est éprouvé. Seul Dieu navigue à bord du navire. Si tu veux mon avis, il ne faut pas s'attacher à cette chaîne de vie. En Gamos, en Gamos, je suis à Madinina.